Chapitre 11e. Le comte salua Germaine, qui froidement le regardait venir, sans qu'un muscle de son visage tressaillît, sans que rien dans son maintien trahît le battement précipité de son cœur. Lui aussi était violemment ému, très pâle, avec un rictus mauvais dans les lèvres, une flamme ardente aux yeux. « Germaine, dit-il, une funeste méprise vous a fait retenir ici de force, je viens vous délivrer. » Un peu tard, après m'avoir fait emprisonner et violenter indignement. Mais puisque vous venez, comme on dit, au théâtre, pour briser mes fers, faites-moi sortir et n'en parlons plus. » Cette liberté d'esprit désarçonna pour un moment le visiteur, qui répondit « Mais auparavant, nous devons avoir un entretien très sérieux pour établir nos situations respectives. » « Alors vous voulez me vendre ma liberté ? Me poser des conditions, en un mot ? Bénéficier du guet-apens où vous m'avez fait tomber ? Il n'y a ici qu'un homme qui vous aime ardemment, follement. Cet homme fera tout ce que vous voudrez, à la condition que je lui cède. Nous verrons cela, mais je désirerais savoir avant tout si c'est au comte de mon Dieu ou à son sosie, le sieur Laurent Chalopin, que j'ai affaire. » Mon Dieu, qui s'attendait sans doute à cette question, eut un sourire triste et répondit « Ah, vous avez causé, je le vois avec cette pauvre folle. Voyons, Germaine, une femme comme vous devrait se méfier des histoires absurdes que débitent ces malheureux démons avec toute l'apparence de la raison. Vraiment ? Marquisette, selon vous, serait folle ? Alliée. Permettez-moi d'en douter. Interrogez ici tout le monde. Et l'on vous répondra qu'elle est atteinte du délire de la persécution, et qu'elle raconte à qui veut l'entendre une histoire à dormir debout. Mais navrante en ce qu'elle peut égarer le jugement des gens qui, comme vous, l'ont écoutée avec crédulité. Soit. Alors vous êtes bien réellement le comte Gaston de Mondieu ? Oui. Et si vous doutez à la fois de ma parole et de toutes les certitudes imaginables, je pourrais vous en fournir la preuve. Ce qui d'ailleurs ne vous empêche pas d'être également le signor Gaetano. » Mon Dieu, en entendant ce nom, eut une affreuse contraction de la mâchoire et crispa les poings, comme s'il allait se ruer sur l'imprudente qu'il osait ainsi braver dans cette sinistre maison où il semblait commander en maître. « Le signor Gaetano ? » dit-il d'une voix sourde. « Je ne comprends pas. » « Mais si, vous savez bien. » Le signor Gaetano, le gentleman de grand chemin qui détrousse et rançonne les voyageurs, très fort en hypnotisme, suggère des choses, a inventé la filouterie à la suggestion mentale. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, fit mon Dieu avec un étonnement joué en comédien consommé. Cependant, je ne tiens pas à ce renseignement de Marquisette, la soi-disant folle. Et le personnage qui me l'a procuré est absolument digne de foi. D'où je conclus que le comte de Mondieu, gentilhomme très fin de siècle, redevient parfois moyenâgeux et s'adresse au brigandage comme autrefois ses bons seigneurs féodaux. Mondieu approcha de Germaine, à la toucher, et la regardant fixement s'écria de sa voix cassante. Et quand bien même cela serait, la lutte pour la vie n'est-elle pas assez rude pour légitimer parfois certaines interprétations légèrement fantaisistes du doigt et du lavoir? Est-ce qu'on ne vole pas un peu, beaucoup même, de nos jours ? Est-ce que la haute filouterie n'a pas pignon sur rue, maison de campagne, équipage, bois, forêt, étang, garde-chasse, table ouverte et considération ? En vérité, cela ne serait point banal de ressusciter Fra Diavolo, de faire une saison au boulevard, une autre dans la montagne, couper la bourse à des Anglais voyageant par bandes en complet à carreaux, et faire la fête avec cet argent idiot ratissé à des imbéciles qui gâtent les paysages, encombrent les hôtels et trimballent des femmes lauréates du Grand Prix de laideur. Possible, fit Germaine d'un ton railleur. L'agence Cook n'a qu'à se défendre ou à payer une prime d'assurance. Je me moque un peu de l'Angleterre, moi, mais je suis partisan de l'alliance franco-russe, non seulement entre nations, mais entre particuliers. Encore Berezov, gronda le comte d'une voix sourde. Encore et toujours Michel, prince Berezov. Oui, monsieur Chalopin, Laurent. Il est fou, lui aussi. Non, guéri, et se souvenant de tout. Et que m'importe à moi, ce cosaque du boulevard des Italiens? À vous, je le veux bien, mais à moi, il m'importe beaucoup. Vous l'aimez peut-être? Je l'aime, certainement, et à l'adoration. Ah, prenez garde! Et quoi? Je n'ai même pas le droit d'aimer qui bon me semble? Vous me bravez! Non, je vous hais. Encore une fois, prenez garde! J'ai pu être faible vis-à-vis de vous, au point d'en perdre la tête. Mais tout a une fin. Oh, tant mieux! Vous allez donc abréger votre visite? Tenez, je vous hais tellement à l'instant précis que je vous parle, que je suis capable de vous tuer. Essayez, fit intrépidement Germaine en se campant résolument devant lui. Je ne me suis pas gênée pour brûler la cervelle à votre mal-taverne qui allait assassiner un ami bien cher. Je suis sans armes, mais je suis aussi brave et plus résolue que vous, plus forte peut-être. Le comte reprit en grinçant des dents. « Oui, vous tuez, quitte à me faire justice après !» Germaine l'interrompit par un éclat de rire qui l'exaspéra jusqu'à la folie, jusqu'au délire. Il poussa un cri rauque, un hurlement de bête humaine arrivé au paroxysme de la fureur, et gronda en se ruant sur elle. « Oh, l'étrangler en la possédant une dernière fois, lui ouvrir la gorge d'un coup de dent !» Boire son sang et aspirer son dernier souffle. » Germaine, le voyant arriver d'un bond, recula légèrement son buste. Puis, au moment où il allait l'enlacer, elle lui darda aux yeux l'index et le méduse de la main droite, écartés en forme de V. Les deux doigts aux ongles roses taillés en amande, projetés avec une précision inouïe, arrivèrent en plein aux yeux du bandit, qui à demi aveuglé poussa un hurlement de rage. Germaine eut un nouvel éclat de rire, plus vibrant et plus ironique encore. « Ah, vous n'avez point affaire à vos pimbèches de la haute qui ne savent pas se défendre. Je suis du peuple, moi, et le peuple à bec et ongles. Je n'ai pas bu de narcotique aujourd'hui. » Le comte de Mondieu, n'y voyant plus, endurant un supplice à la fois douloureux et grotesque, s'agitait comme un forcené, frottait ses yeux endoloris et emplis de sang extravasé. Il grondait, blasphémait, essayait de rejoindre Germaine qui agilement lui échappait et méditait de la battre par un nouveau coup. « Ah, prenez garde !» lui dit-elle avec son rire qui cinglait comme une lanière. « Vous allez être à la fois odieux et ridicule. Je vais vous crever les yeux. C'est ce qu'on appelle le coup de fourchette. Et j'ai appris cela de mon ami Bobino. Vous savez bien, celui que vous avez voulu faire assassiner. Le brave ouvrier typographe, mon futur beau-frère. Enfin, Bobino. » Deux coups secs frappés à la porte interrompaient la phrase, et avant que Germaine ait eu le temps de crier d'entrée, la serrure grinçait, la porte s'ouvrait. Une voix joyeuse répondait « Bobino ? Voilà !» Une femme vêtue du costume des gardiennes de la maison de santé pénétrait dans la pièce et fermait la porte à double tour. Assez grande, assez forte, le poitrail rebondit, cette femme s'avançait d'un pas déluré vers Germaine qui se tenait au pied de son lit, ne sachant que penser de cette apparition, de ce nom de Bobino jeté par la nouvelle venue. Mon Dieu, les paupières clignotantes, les yeux suintants des larmes et de sang, s'écria furieux. « Qui êtes-vous? Que venez-vous faire? J'avais défendu que personne entrât ici. » « On s'est passé de votre permission, monsieur le comte, » riposta la femme. « La grosse Joséphine est ivre morte par mes soins, et moi qui n'ai pas d'ordre à recevoir de vous, je prends sa place. Ça vous va-t-il ou ça vous va-t-il pas? Moi, je m'en fiche. » Le comte, pressentant un auxiliaire pour Germaine, tira de sa poche un poignard à lame courte et aiguë et voulut frapper cette gardienne qu'il ne connaissait pas. Avec une aisance parfaite, la femme releva le bas de sa jupe et allongea au bandit, un peu au-dessus de la cheville, un formidable coup de pied, une de ces ruades courtes et serrées qui froissent la peau, écrasent la chair et parfois éclatent les os. Le comte poussa un hurlement et tituba près de tomber. « La revanche du sexe faible !» flûta la voix de la gardienne. « C'est ce qui s'appelle être joliment rossé par des femmes, ça, monsieur le comte !» Et la femme, qui gouaillait de plus en plus, releva de nouveau sa jupe et dit « Faites excuse si je montre mon mollet. C'est pour le bon motif. Et aïe donc ! Un nouveau coup de pied, lancé avec une maestria endiablée, atteignit en pleine poitrine le comte qui tombait en laissant échapper un sourd grognement d'homme assommé, tout à fait incapable de mouvement. « Et maintenant, ma chère Germaine, continua cette étrange femme, empoignez les pattes du client, passez-lui la camisole de force. Il est hors de combat, il ne bouge plus, c'est le moment d'agir. » Ces mots, prononcés avec une voix qui n'était plus changée, une voix possédant de graves intonations masculines, fit sursauter Germaine. « Bobino, c'est Bobino !»« Appelez-moi donc Bobinette, rapport au costume. »« Vous ici !»« Chut, patinez-vous et surtout, ficelez proprement, monsieur le comte. » Bobino lui enlevait en même temps son poignard et lui attachait les jambes, pendant que Germaine lui entravait solidement les bras. Pour plus de précaution, Bobino lui appliquait un foulard sur la bouche, le soulevait, puis l'allongeait sur le lit. Et cette besogne terminée en un clin d'œil, tendait la main à Germaine en disant « Et ça va toujours comme vous voulez ?» Prise d'un fou rire, Germaine, malgré la gravité de la situation, serrait cette brave et loyale main, épouffée en examinant l'accoutrement de l'ouvrier typographe. « Mais c'est qu'on dirait une vraie femme ! Vous êtes déguisée à ravir !»« Hé hé, on fait ce qu'on peut !» Par exemple, j'ai dû sacrifier mes moustaches. C'est étrange en vérité. Quoi donc ? Ainsi costumé, vous ressemblez d'une façon stupéfiante à... Puis, entendant mon Dieu râler sous son bâillon et ne voulant pas qu'il l'entendît, elle s'approcha du jeune homme et lui dit tout bas à l'oreille « À Suzanne de mon Dieu, la fille de ce bandit, et plus encore à une pauvre femme que vous verrez bientôt. Ah, si nous pouvions la faire évader !» Mais pour peu que cela vous soit agréable, il sera très facile de l'emmener avec nous. Nous partons donc. Vous êtes donc bien ici ? Est-ce que vous avez envie d'y faire un bail ? Non, mais les moyens de sortir. Ça, c'est mon affaire. Tout ce que je puis vous dire, c'est que nous allons filer ce soir, et raide. Mais enfin, mon cher Bobino, expliquez-moi donc comment vous vous trouvez ici, sous ce déguisement. Venez devant la porte, je vais vous dire ça en deux mots et à voix basse. Rapport à monsieur le comte qui ne doit rien savoir. Et puis, nous avons le temps de causer, car il faut attendre la nuit. Vous pensez, ma chère Germaine, combien nous fûmes inquiets en ne vous voyant pas arriver à la station du Vésiné, où nous vous attendions, Matisse et moi, avec la voiture. Le lendemain, ce fut pour nous une certitude. Germaine est séquestrée là-bas, dans la maison de santé. C'était tout de même rudement imprudent ce que vous faisiez là. Il le fallait. Je ne dis pas non. Mais je frémis encore en pensant au danger qui vous menaçait. Enfin bref, il n'y avait pas à essayer d'entrer par les moyens ordinaires dans cette satanée boîte, et il fallait tirer des plans sans perdre un moment. J'étais en train de me casser la tête quand machinalement je songeais au directeur de la maison de santé, le docteur Castanet. Castanet, c'est le frère de Lichamor. Lichamor, c'est le vieux matou de la mère Bachu. Et la mère Bachu, c'est la maman d'Andrea. Et je me dis... C'est de là que nous viendra le salut. Comment cela ? Interrompit Germaine. Vous allez voir. Andrea, très rosse avec les Vauverny, est en réalité une brave fille, un cœur d'or, le dévouement personnifié. Alors, je cours chez elle, et carrément je lui raconte la chose, puis je lui demande son aide. Et sans plus de réflexion, elle me dit « Ça y est, mon petit, je suis à votre service. » Mais le moyen ? L'essentiel pour moi, lui dis-je, et non seulement d'entrer, mais encore de séjourner dans la maison de santé. Or, ces gens-là doivent se défier des nouveaux visages, et ne les accueillir qu'à bon escient. Et voilà que nous cherchons chacun de notre côté, d'abord sans rien trouver, et en nous dépitant ferme, car le temps pressait. Enfin, Andrea s'écria de cet accent inimitable qui fait la joie des Vauverny. « Chouette, mon petit, j'ai quelque chose et drupin. Écoutez-moi. » Je liquide en ce moment une partie de ma maison parce que les fonds sont en baisse depuis que Guy a cassé sa bretelle. Je renvoie mon monde, et vous êtes Anna, ma seconde femme de chambre. Vous allez abattre votre moustache, vous costumer en fille, je vais vous donner des frusques, une perruque à frison. Dépêchez-vous, je vous montrerai ensuite à marcher en femme, la chose la plus difficile. Un quart d'heure après, la transformation était opérée à fond, et j'avais l'air d'une grande bringue en quête d'aventure. Andrea me donna une bonne leçon de maintien et nous filâmes chez Lichamor solliciter sa protection. Il se fit un peu tirer l'oreille, mais Andrea l'amadoua en lui glissant dans la main un billet de 100 francs. De mon côté, je me laissais un peu embrasser, un peu manipuler. Puis le vieux drôle écrivit pour son frère une lettre pressante. « Il paraît que dans le fond, ils sont au mieux. » Puisque séance tenante, je fus admis, ou plutôt admise, comme gardienne. Cela se passait hier matin. Andrea me conduisit ici, me présenta au docteur, vanta ma douceur, mon honnêteté, mon dévouement, jura ses grands dieux que je n'étais pas coureuse et que ma vertu était des plus farouches. J'entrai aussitôt en fonction, après avoir été présentée à la surveillante en chef. On me donna la tenue de la maison, celle que je porte en ce moment, avec la jouissance d'un galetas pompeusement dénommé « chambre des gens de service ». Tout en affectant l'air le plus godiche que je pus, je me mis au courant, sans paraître touchée, de tout ce qui se passe ici. En rien de temps, je connus le personnel et les malades. Je sus où vous étiez ainsi que Marquisette. C'était l'essentiel, et je tirai en conséquence des plans pour me rapprocher de vous. Votre garde, Joséphine, a la passion des liqueurs fortes, passion commune aux gens qui soignent des malades. Je payai sans rechigner une copieuse bienvenue, puis m'étant attachée à Joséphine, je la fis boire de façon à la mettre hors de combat. Quand elle fut ivre morte et fusillée de façon à en avoir pour au moins 12 heures de cuvée, j'ai pris son service. Je suis venue près de vous et vous ai trouvé en train de panacher les yeux à monsieur le comte. J'ai fini l'ouvrage. Et maintenant, il n'y a plus qu'un peu de patience à avoir. Oh, encore attendre ? Pas longtemps. Seulement jusqu'à 9 heures du soir. Et vous pensez que je pourrais m'évader ? Je vous en donne l'assurance formelle. C'est que je ne suis pas seule. Il y a encore cette pauvre femme qui n'a pas pu m'achever son récit. Marquisette ? Oui, par humanité, par sympathie, je veux l'arracher de cet enfer. Sa cause est solidaire de la nôtre et je ne partirai pas sans elle. Je vous promets de l'emmener aussi. Comment ferez-vous ? Une évasion, vous le savez, est pleine de difficultés. Je ne compte pas les dangers, naturellement. Laissez-moi faire, vous verrez ce soir. Je vous laisse en compagnie de monsieur le comte. Il n'est pas bien à craindre, à moins que vous n'alliez de suite prévenir Marquisette que nous l'enlevons ce soir. J'aime mieux cela. À 8 heures et demie, je serai de retour près de vous. Courage et espoir.